Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le Sentiment Océanique, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a ces semaines confinées et l'attente de ces jours où l'on pourra se laisser porter par la vague et céder enfin à cette mystérieuse attraction pour la mer formulée par Romain Rolland en étant bercé par le son du ressac, du flux, du reflux, du flux, du reflux. Alors pour commencer, les personnages. 3 femmes sous la vague, une conservatrice contemplative, une surfeuse qui bascule, une chercheuse qui mesure, une océanographe qui arpente et une navigatrice sur le tempo. Ensuite, le décor. L'immensité, le vertige, la chute, la puissance, une vague scélérate, la mémoire, des GPS, des dunes, la houle, l'effet de groupe, le danger, la synchronisation, une tempête et de l'écume. Aujourd'hui, dernier épisode, on est au musée. Presque caché dans un recoin du musée Rodin, voilà une vague en marbre onyx en train de déferler sur 3 petites femmes en bronze qui plient les genoux. Une vague sculptée il y a plus d'un siècle par Camille Claudel et un prétexte pour Véronique Mathusi, responsable du fonds historique du musée, et moi-même pour imaginer ce que se racontent ces 3 femmes. La puissance des vagues. C'est un instant qui donne l'impression d'arrêter le temps. Et même si cet instant représente une seule vague au-dessus de 3 personnages, eh bien, on peut imaginer largement l'immensité derrière de l'océan. Avec les causeuses et la vague, Camille Claudel est vraiment dans une période, elle est à l'apogée véritablement de son art. Ce sont des merveilles d'exécution. Elle invente quelque chose de nouveau. Elle a ce pouvoir, par les courbes, par le goût de l'arabesque, du mouvement, d'une représentation jamais figée, de faire imaginer le monde qui entoure. Alors ces 3 personnages, dans une position déjà un peu compliquée, de déséquilibre. Ces 3 jeunes femmes, avec des chevelures épaisses, toutes nues, sont en dessous de cette vague, en train de s'amuser, courbées, en train de chahuter. Elles sont dans des attitudes tout à fait insouciantes, légères en tout cas, et ne semblent pas comprendre la menace que représente la vague. Est-ce que c'est une vague dans laquelle on s'amuse? Est-ce que c'est une vague dans laquelle on finit? Est-ce que c'est une vague de laquelle on se relève? On ne sait pas. Et évidemment, cette façon découpée de traiter les flots de la vague font penser aussi à une main gantée, un peu de doigts, une main, cette emprise un peu menaçante. C'est aussi tout ça qui joue dans l'imaginaire, mais qui voit un peu cette main invisible, mais recouvrante, menaçante, dévorante, qui est prête à emmener les jeunes femmes. Je pense que c'est une façon pour elle de montrer qu'elle s'émancipe et qu'elle est capable d'exister en dehors de Rodin. Ces jeunes femmes, on ne sait pas encore ce qu'elles vont devenir. Elles pourraient devenir scientifiques, elles pourraient devenir artistes, quelqu'un qui va partir au large, elles pourraient tout devenir. Oui, il y a tout le champ des possibles. Ce sont des camarades, il y a une complicité, une promiscuité. Elles comprennent peut-être la menace de l'éclatement soudain de cette mer, mais peut-être aussi un moment qu'elles attendent. Elles sont dans une ronde, une danse, qu'on pourrait peut-être dire un peu macabre aussi, puisqu'on sent l'issue tragique. C'est tout un jeu d'équilibre, mais d'ambiguïté, entre un moment léger et le drame que l'on sent venir. Le son d'une vague est presque impossible à enregistrer. Bruit blanc, il convoque à lui seul toutes les fréquences que peut entendre l'oreille humaine. Cette vague, je l'ai captée sur la grande plage de Biscarros. Je me souviens très précisément de ce moment. J'ai perdu toute notion du temps. Cette vague a convoqué des sentiments très profonds, presque extatiques. Un peu plus loin, au-delà de l'horizon, le vent a cédé son énergie à une large région de l'océan. Il soulève et abaisse en alternance chaque point de la surface de l'eau. Les scientifiques parlent alors de la mer du vent, qu'ils observent, quantifient, qualifient. Peut-être que ce travail de description ultra méthodique va mettre un instant à distance un état intérieur si mystérieux et profond qu'ils auraient peur d'en être submergés. Dans des expériences similaires, Romain Rolland parle de sentiments océaniques. Il questionne Freud à ce propos qui lui répond que ses remarques sur les sentiments qu'il nomme océaniques ne lui ont laissé aucun repos. Freud parle alors de sensations d'éternité, d'illimité, d'infini, d'un sentiment d'union avec le grand tout. Dans une lettre à Romain Rolland, il affirme ne l'avoir lui-même jamais éprouvé. Pourtant, comme il est possible de mourir d'amour, il est possible de s'effondrer en larmes devant la beauté d'un paysage, sans vraiment comprendre ce qu'il se joue. À la manière des jeunes femmes de Camille Claudel, les personnages qui vont suivre font l'effort de nous raconter cette expérience illimitée, cette puissance océanique. Au début, c'est pas très descriptible, justement, parce qu'on voit une sorte de masse d'eau qui monte, qui descend, et qui n'a pas encore de forme. Mais on sent une énergie qui arrive, du lointain. Enfin, on sent qu'elle vient du lointain. Des fois, j'ai la sensation qu'il y a une main qui pousse. Une main qui pousse vers moi, en fait. Comme une sorte de dessin de salut, quelque chose qui vient saluer. J'ai toujours cette sensation-là. À un moment, il y a un creux, et ça se relève. Je ne peux pas toujours préméditer où est-ce que ça va se lever le plus fort et le plus haut. Mais à un moment, ça se lève. Laurie Péché-Pimon est surfeuse, danseuse et chorégraphe. Ça commence par un vertige. Ça commence vraiment par un vertige, une bascule et une chute, la tête la première. Alors, je ne sais pas si le terme c'est vertigineux ou pas, mais c'est vrai que quand on voit la puissance que vont développer ces vagues, et quand on voit finalement nous les structures qu'on va déployer, les capteurs qu'on va déployer, on a l'impression, au sens propre comme au sens figuré, que c'est un petit peu une goutte d'eau dans l'océan. Nadia Sénéchal est professeure à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la mesure des vagues en période de tempête. Et peut-être que plus loin, sur la plage, nous allons rencontrer sa collègue Mélanie Biosque, océanographe et championne de France de rugby. Ça reste toujours par moments un petit peu mystérieux de se dire comment ces capteurs ont pu résister à la force des vagues et malgré tout donner une mesure qui va être pertinente derrière qu'on va pouvoir exploiter. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de route tracée. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'embranchement, il n'y a même pas de chemin de traverse. Il y a les vagues, il y a un tas de systèmes qui s'organisent. Ne serait-ce que le fait que ça bouge. C'est pas pareil de vivre dans un monde qui bouge ou de vivre dans un monde qui ne bouge pas. Isabelle Autissier est navigatrice et écrivain. Est-ce que par deux fois, une vague trop grande, trop puissante, peut-être scélérate, aurait retourné son bateau? C'est pas la même chose d'avoir l'horizon à 360 ou pas. Voilà. C'est pas la même chose d'avoir le ciel entièrement plein d'étoiles ou pas. Donc ça crée des distorsions. Je suis arrivée ce matin très tôt sur la plage pour voir effectivement à quoi ça ressemblait, parce que je sais que la houle a commencé à forcir cette nuit. On a une houle à peu près de 3 mètres, alors qu'hier on n'était qu'à 2 mètres. Donc c'était pour voir un petit peu les lignes de déferlement, où elles se situaient, voir également l'état des capteurs, s'ils ont bien résisté à cette houle qui est en train de forcir, si on ne devrait pas éventuellement les déplacer. Et effectivement, ce matin, c'est magnifique. Voilà, on voit au large les vagues qui déferlent sur la barre externe. Donc ça fait ce qu'on appelle une barre hein, chez nous, c'est-à-dire que la vague elle déferle d'un bloc sur toute sa crête. Et ça, généralement, ça annonce que la taille de houle est en train d'augmenter et que le système commence à saturer progressivement. Et effectivement, c'est ce qu'on cherche, la saturation du système, puisque c'est là qu'on sait qu'on va avoir des ondes infragravitaires qui vont commencer à être générées. Voilà, vraiment une physique très spécifique et c'est ce qu'on recherche. Le système est non linéaire, donc ça signifie que les vagues vont interagir les unes avec les autres et qu'elles vont transférer de l'énergie à des fréquences qui sont différentes de ce qu'on appelle la fréquence primaire, c'est-à-dire celle avec laquelle la houle arrive du large. Et donc ce transfert peut se faire vers des ondes plus basses, on parle dans ce cas-là d'ondes infragravitaires ou de subharmoniques, mais elle se fait également vers des ondes plus élevées, on parle dans ce cas-là d'harmoniques, et ça se traduit notamment par la forme de la vague. Donc là, nous, ce qu'on cherche vraiment, ce sont les infragravitaires, puisque c'est elles qui vont dominer le spectre d'énergie, notamment en haut de plage, lors des événements de tempête. Une tempête doit arriver cette nuit, d'après les dernières prévisions, donc elle doit arriver assez brutalement, c'est un coup de vent qui doit se lever, et qui va fermer des vagues qui devraient atteindre des hauteurs moyennes de 5 mètres, avec éventuellement des hauteurs maximales qui devraient atteindre les 7-8 mètres. Donc ça, c'est effectivement intéressant pour nous, parce que c'est ce qu'on recherche, et en plus, ça va coïncider avec une marée de vives eaux. Donc potentiellement, c'est là où on peut avoir un impact érosif sur l'eau de plage qui va être important. Et donc ça va nous permettre vraiment d'étudier la réponse de cette plage à cet événement. Donc normalement, ce type de tempête, elle devrait pouvoir bien l'encaisser, comme on dit, c'est-à-dire pas trop éroder. Toutefois, comme c'est des coefficients de vives eaux, on a une petite inquiétude par rapport au système dunaire qui là risque d'être attaqué, alors que lors des dernières tempêtes, il n'avait pas été attaqué. Donc c'est ça qu'on va essayer de regarder la nuit prochaine et puis demain. Et puis le bateau, il est soumis au mouvement de la houle, des vagues. Par exemple, une vague de l'Atlantique, on peut la caractériser maintenant ? Non. Non, on peut pas la caractériser. Une vague de l'Atlantique, ça n'existe pas. Les vagues, c'est des mécaniques ondulatoires qui sont dues essentiellement à la poussée du vent hein, sur la couche superficielle de l'eau, puis après à des combinaisons de vent, le vent qui tourne, qui accélère, qui diminue, tout ça. Et après, alors il y a des endroits où il y a des vagues un peu plus caractéristiques que d'autres, c'est les endroits où les vents sont réguliers. Tout à l'heure, je parlais de l'Alizée. Dans l'Alizée, le vent souffle à peu près toujours de la même direction et à peu près toujours avec la même force. Donc on a à peu près toujours le même genre de vagues. Mais si vous allez naviguer au large de La Rochelle, chez moi, selon que je navigue en été ou en hiver, selon que je navigue un jour où il y a un anticyclone ou un jour où il y a une dépression, j'aurai des vagues complètement différentes. Donc non, il n'y a pas de vagues de l'Atlantique. Il n'y a même pas une période hein, qu'on reconnaît. Si vous me bandez les yeux et que vous me mettez sur l'eau, je vais pouvoir vous donner des grandes idées. Si vous me dites que vous me mettez en Atlantique, je vais avoir une certaine approche. Et en fonction de la température, de la couleur de l'eau, de la forme des nuages, qui est très importante, du vent, effectivement, et de la forme des vagues, je vais vous dire, par exemple, là, je suis dans l'Alizée. Mais est-ce que je vais être capable de dire je suis dans l'Alizée de l'hémisphère nord ou de l'Alizée de l'hémisphère sud ? C'est déjà pas si évident. Je pourrais sans doute le faire parce que je vais observer la course du soleil et je vois la direction du train de houle. Et donc au bout d'un moment, je vais dire, comme le soleil à midi, il est plutôt dans mon nord ou il est plutôt dans mon sud par rapport à la direction de la houle, je suis plutôt dans l'hémisphère nord ou plutôt dans l'hémisphère sud. Donc ça, je vais arriver à le dire. Par contre, je vois, un ciel uniformément gris et un vent d'ouest avec une mer un petit peu formée, là, je vais avoir du mal à vous dire, par exemple, si je suis dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Parce que, voilà, c'est pas si évident que ça. Il y a des grandes caractéristiques, il y a des grandes zones. Mais c'est pareil aussi, si je vois une mer toute plate sans vent, je peux être dans l'anticyclone des Açores, je peux être dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, je peux être dans les 40e, un jour de beau temps, un jour de dorsale anticyclonique. Voilà. Disons que les paysages sont différents, mais je vais surtout, moi, me raccrocher au fait que, justement, je sais où je suis, plus ou moins. Et que donc, ce qui m'intéresse, c'est de suivre l'évolution du temps et du climat. C'est de suivre ce qui se passe, de voir qu'il fait beau, il n'y a pas de vent, mais dans le ciel, j'aperçois des petits cirrus de haute altitude. Et donc, je sais que demain, il y aura du vent plus fort et qu'il viendra du sud-ouest, et que, etc., etc. C'est ça qui m'intéresse. Je rame. Et j'attends de sentir que l'arrière de ma planche est un peu soulevée. En fait, il y a quelque chose qui, comme une sorte de main qui commence à pousser derrière. Et à partir de ce moment-là, je mets le dernier coup de rame et je me lève d'un coup. Et en même temps, il y a les pieds qui se mettent en mode automatique et qui, marchent légèrement sur la planche, avancent, reculent, etc. Et qui font, en fait, qui vont permettre ces manœuvres. Bien sûr, le bassin suit, mais c'est une sorte de négociation entre les yeux qui vont chercher et les pieds qui trouvent. Il faut vraiment tout de suite que le regard se lève vers l'endroit où on a envie d'aller, le côté où la vague déroule, ou la dune. J'aime bien m'appuyer sur la dune pour commencer. L'océan, ça a toujours à voir avec la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire personnelle et la mémoire, la mémoire du monde, la mémoire... J'ai l'impression que c'est vraiment une masse qui absorbe des traces de vie. Et c'est vraiment une masse qui transmet, qui est traversée d'ondes, qui transmet. Donc j'ai toujours l'impression de recevoir quelque chose. J'ai toujours l'impression de recevoir... des chants, des cris, des histoires. J'ai toujours l'impression de recevoir des tonnes, en fait. J'ai vraiment l'impression de recevoir des tonnes de chants du monde. Et que ma perception, mes oreilles, mon désir ne peut en recevoir que... soit en écouter quelques-unes, soit recevoir quelques-unes qui me parlent, et en même temps, il y a toutes les autres. Donc j'ai vraiment l'impression d'être baignée dans la mémoire du monde. Alors je vais faire un lever de plage maintenant, c'est-à-dire je vais faire marcher perpendiculairement à la plage, faire plusieurs lignes, une quarantaine à peu près, donc en partant de la dune jusqu'à la mer et en faisant des allers-retours. Et donc à partir de là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire reproduire en trois dimensions la plage, ses formes, les bancs, les chenaux s'il y en a. Et c'est cette évolution qu'on suit en fait au jour le jour, puisqu'en fait elle nous indique la manière dont la plage va s'ajuster au forçage hydrodynamique et interagir avec les vagues. Et votre collègue Mélanie part avec le GPS dans un sac à dos dans le dos et va faire toutes les lignes, les traversées, les retours. Mélanie va partir pour faire des allers-retours sur la plage, donc elle va partir de la dune, marcher vers la mer, ensuite revenir faire la dune. Et donc elle va progressivement avancer comme ça le long de la plage et faire une quarantaine de ce qu'on appelle de transectes, donc ce qui revient à faire à peu près 20 allers-retours, donc pour bien courir la plage. Et elle va en fait ajuster son maillage en fonction de la configuration de la plage. Si la plage elle est très uniforme, on peut espacer un petit peu les lignes. Par contre, si on voit dessus des bancs sableux, des formes spécifiques, elle va resserrer les mailles pour avoir une bonne représentation de la morphologie. Donc ça, on doit le faire obligatoirement autour de la marée basse parce que c'est là où la plage est accessible. Ah, la mer, elle monte là, oui. Et les vagues ? Les vagues, pour le moment, non, elles doivent monter que cette nuit. Là, elles sont assez stables. On est sur des hauteurs a priori de 2,60 m là au large. Ça bouge pas trop. Elle va vraiment commencer à entrer cette nuit là-haut. Là. Une période On a une période là pour le moment qui est quand même assez courte, puisque c'est des périodes qui sont de l'ordre de 8-9 secondes. Donc pour l'hiver, c'est pas une houle de tempête là pour le moment. Cette nuit, la houle doit s'allonger, on doit passer à 14 secondes de période, et puis ça va prendre de la taille. Donc ça signifie que les vagues, elles arrivent beaucoup plus au large. Hein. Elles ont une source beaucoup plus lointaine. Donc là, en fait, on a une tempête qui a déjà eu lieu loin. Alors le vent a soufflé au large, en pleine mer, et ça se trouve, la dépression qu'a générée cette tempête, elle est en train de remonter vers le nord de l'Europe, et de passer au-dessus de l'Angleterre, l'Islande, l'Angleterre, et puis après les pays nordiques, et ne va pas forcément nous impacter directement. Par contre, elle va générer des vagues qui, elles, vont se propager. Et c'est ça qu'on appelle les houles de tempête. Donc l'événement qu'on prévoit... là, il y a une vague qui va monter plus haut. Il faut qu'on recule. Voilà, donc ça, c'est vraiment une onde infragravitaire. Voilà. Qui fait qu'effectivement, la mer va remonter sur 40-50 mètres très rapidement. Donc c'est ça qu'il faut qu'on surveille maintenant, parce que là on sait que le capteur il est vraiment dans cette zone qu'on appelle de jet de rive, c'est-à-dire qu'il va être alternativement recouverte et découverte, et là il faut qu'on soit vigilant. Donc là les conditions ne sont pas encore trop énergétiques, ça va, mais quand on est en pleine tempête, cette lame d'eau elle peut atteindre jusqu'à 70-80 cm d'eau facilement, et elle peut faucher quelqu'un. On les voit pas. On les voit pas en plein océan, effectivement. On les voit vraiment, c'est la ligne d'eau qui va bouger. Donc c'est au dernier moment qu'on va effectivement s'en rendre compte. Ah, mais parfois, elles sont super puissantes. Hein, nous, elles dégomment tout le monde. Hein. On se fait tous balayer. Pendant le lever, en fait, je marchais le long de la plage, puis c'était de nuit. Puis l'onde est montée et l'eau arrive au niveau du genou d'un coup. Et ben c'est comme un plaquage au rugby, hein. Si on vous attrape au niveau du genou, on tombe. Donc, ça va, j'ai été un petit peu déstabilisée, puis j'ai continué ma route. Avec les capteurs, Nadia Sénéchal et Mélanie Biosque vont prendre des mesures, la vitesse de phase, la pulsation ou la période de la vague, la hauteur au point de déferlement, en eau profonde, etc. Laurie Péchier-Pimon propose de chorégraphier une grande vague collective. En fait, on va constituer une sorte de grand rectangle, un peu décalé, mais un grand rectangle, tous ensemble, constitué de lignes. Devant, à droite de ce rectangle, un chef d'orchestre, une chef d'orchestre, qui va proposer du mouvement. Ta main droite, qui est sur ton côté, va se poser sur ton voisin ou ta voisine qui est à droite. Et ta main gauche, qui est devant toi, va se poser sur l'omoplate d'une des personnes qui est devant. C'est-à-dire que la transmission du mouvement va se faire par les mains. Tu imagines qu'on est l'océan et en face, c'est le rivage. Et que tu regardes le rivage et toute l'intention de la grande vague, c'est que l'océan va saluer le rivage. Donc tu attends que le chef d'orchestre, la chef d'orchestre, envoie le mouvement. D'abord, c'est une houle. C'est simplement une houle qui nous traverse. Et ensuite, elle va commencer par plier les genoux, comme pour activer un mouvement de pompe, un mouvement pneumatique dans tout le groupe. On est en train de se faire attaquer par la mer. C'est parfait. Elle monte inexorablement. C'est-à-dire que la chef d'orchestre va commencer à activer des pas, à marcher d'avant en arrière, créer du flux et du reflux. Jusqu'à ce qu'elle enclenche des mouvements en rouleau, c'est-à-dire en fait, elle projette les bras en l'air, qui entraîne tout le groupe à plonger un peu devant, à ressurgir, à plonger, à ressurgir, à plonger, à ressurgir, et en changeant la fréquence, les longueurs d'onde qui traversent le groupe, et créer ainsi des sortes de respirations de vagues que tu reçois, tu te laisses traverser. Tu te laisses entraîner et tu n'oublies jamais de reprendre ta place. Parce qu'à chaque fois que tu te déplaces, tu vas être compressé, tes bras vont être écartés. La mer, elle monte trop, il faut qu'on remonte. c'est elle qui va nous avoir. Quand tu es au cœur, tu es vraiment dans cet espace pulmonaire de respiration. Où du coup, tu dois devoir te compresser, dilater. Ta place va être toujours remise en jeu, mais tu es vraiment l'élément respiratoire de la vague. Quand tu es à l'arrière, tu es l'élément qui permet vraiment de soutenir toute l'action du groupe, d'aller en avant, d'aller en arrière. Tu es un peu une sorte d'arrière du rugby qui permet vraiment... c'est vraiment l'esprit d'équipe, mais enfin, c'est les fondations. En fait, l'arrière de la vague, c'est vraiment les fondations. Normalement, dans une vraie vague, là, comme on voit ici, l'information, l'induction vient de l'arrière. Là, dans notre vague, qui est chorégraphique, où il y a des décisions d'auteur, l'information vient de l'avant. Par contre, sa fondation vient de l'arrière. C'est-à-dire que l'arrière, c'est vraiment ce qui permet d'y aller. Finalement, la chef d'orchestre, elle peut faire ce qu'elle veut. Sans l'arrière qui soutient, elle ne va nulle part. Les vagues ont elles travaillent en groupe. C'est-à-dire qu'au très au large, on va avoir les petites vagues, les grosses vagues, et puis ces vagues plus importantes qui vont venir intégrer les petites vagues, et on va se retrouver avec une très belle houle. Et c'est ça, en fait. Il y a pas mal d'analogies qu'on peut faire avec le rugby quand on parle de vagues de vent ou même d'évolution des plages, en fait. L'exemple type, c'est les baïnes ou les ondes infragravitaires. Les gens ont du mal à comprendre puisque ce sont des environnements où on a pied. Donc on se dit, j'ai pied, pourquoi ça pourrait être dangereux pour moi? Et là, je commence à leur expliquer, oui, mais imaginez que vous soyez en train de courir sur un stade de rugby ou en train de marcher assez rapidement et puis on vous fauche au niveau des tibias ou au niveau des chevilles, c'est la chute. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que c'est une telle puissance qui se libère à un moment qu'on est complètement fauché. Et puis, c'est exactement le plaquage du rugby. C'est le même principe. On va avoir la puissance qui va être décuplée par le fait qu'elle travaille en groupe. Et même les libérations d'harmonie, co-déferlement, tout ça, c'est des vagues que l'on ne voit pas. C'est des ondes que l'on ne voit pas, ces harmoniques. Et puis, une fois que les avants vont déferler, on va libérer les harmoniques qui vont remonter très haut sur la plage. C'est un peu comme quand, une fois que les avants ont récupéré la balle et qu'on fait la passe aux arrières, elles vont monter très très haut sur le terrain, aller le plus loin possible pour aller marquer l'essai. Et là, c'est exactement ça. Libérer les harmoniques ? Libérer les harmoniques, exactement. Alors, quand les vagues fonctionnent en groupe, et elles ont une onde qui enveloppe les groupes. Et lorsque les groupes déferlent, cette enveloppe est libérée. Mais cette enveloppe ne déferle pas, ce qui lui permet de remonter très très haut sur la plage. Et généralement, cette onde, cette harmonique, c'est cette onde qui vient vous chatouiller les pieds quand vous ne y attendez pas sur la plage, que vous marchez un peu plus en haute plage pour pas marcher dans les vagues. Et puis hop, il y a une vague qui remonte un peu plus et elle vient vous mouiller les pieds. C'est ça, c'est ces harmoniques, c'est ces arrières qui sont libérées et qui arrivent... au triple galop, remonter sur la plage pour essayer d'aller le plus loin sur la plage. Il y a des moments un peu particuliers où on a l'impression que le bateau est bien réglé, la houle fonctionne parfaitement. Oui, oui, bien sûr. Et c'est assez excitant, d'ailleurs, quand on sent que le bateau est bien en conformité, on va dire, en harmonie, pour employer ce mot-là, avec son environnement, et qu'on a réussi à le toiler comme il faut, à mettre l'angle comme il faut, etc. Et, quand on surfe sur les vagues, c'est sympa comme impression, cette impression d'aller avec la vague, avec la houle, de surfer, on sent le bateau qui vibre un peu, on sent la vague qui passe sous le bateau, ça accélère, après on est en haut, ça déferle un peu, ça donne une sorte de petit coup de pied comme ça, puis après ça redescend de l'autre côté de la vague, c'est un sentiment un peu d'apaisement et on ralentit un peu, enfin Ouais, c'est des beaux moments parce que on a comme ça cette espèce de respiration de la mer. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive, mais c'est plutôt quand il fait pas beau. Quand il y a vraiment de la grosse mer dangereuse, je sais que je vais synchroniser ma respiration avec la vague. Parce que je bloque ma respiration en haut de la vague au moment où ça déferle, parce que je sais pas comment ça va se passer. Et puis au contraire, je souffle derrière quand ça redescend et que ça s'apaise un peu, quoi. Donc c'est marrant. C'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'il n'y a pas de vagues pareilles. D'ailleurs, quand vous regardez la mer, vous n'allez pas voir de vagues pareilles. J'aime le temps du dessous. Tu te laisses descendre, tu te laisses glisser, tu te laisses devenir une lame d'eau. Et alors là, ce temps du dessous, c'est vraiment un non-temps. Et il y a le temps du surgissement. Très rapide et en même temps très... Une aspiration vers le haut qui est très rapide. T'as l'impression que l'espace-temps s'est ouvert. Il y a une porte dans l'espace-temps qui s'est ouverte. Pour moi, l'océan, c'est vraiment un partenaire de vie, un partenaire de relation. C'est un paysage en mouvement, mais c'est vraiment un amant, en fait. C'est vraiment l'amant d'une vie. C'est vraiment une grande jouissance de prendre, de se laisser embarquer. C'est vraiment une grande, grande jouissance de se laisser embarquer, de se laisser soulever. Il y a quelque chose d'incontrôlé, d'incontrôlable. Et ça glisse tout seul. Il n'y a plus de poids. Il n'y a plus de mental. Du coup, il n'y a plus que des sensations. Ça ramène vraiment à la puissance sexuelle, en fait. La puissance sexuelle de soi, des autres, du paysage. C'est vraiment une puissance sexuelle. Elle arrive à te faire oublier... les contingences. Elle arrive à transformer ton corps en quelques secondes. Elle est dessus, dedans, dessous, donc elle te retourne. Donc il y a plus de. Des fois, il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de sens au monde. C'est massif et c'est très joueur. C'est très, très joueur. Voilà, il y a plein de jeux de tension assez paradoxal. Être dedans, être dessus, être dessous, dedans, dehors. C'est vraiment un endroit de jeu du vivant. Et en fait, c'est le goût du jeu de ça. C'est sentir que tu joues avec ça, tu es joué de ça. T'es ballotté entre ces dimensions. Et tu choisis pas. Tu acceptes pas. Tu profites ou tu subis. Tu attends. Tu en rêves. Tu rêves d'eux et puis ça vient pas. Et puis t'as rien demandé et tout arrive. Et puis, il y a eu des vagues trop grandes. J'ai souvenir d'avoir un architecte d'un de mes bateaux qui m'a dit que la vague n'était pas appropriée au bateau. Je lui ai dit non, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est le bateau qui n'était pas approprié à la vague. Parce que la vague, elle est ce qu'elle est. Donc, c'est pas que la vague, elle est trop grande. C'est qu'à un moment donné, le bateau n'est pas approprié à cette vague-là. et qu'il aurait fallu un bateau différent. Ça veut dire qu'on n'a pas assez anticipé sur le type de vague qu'on allait pouvoir rencontrer dans tel ou tel endroit. Dans le Grand Sud, c'est compliqué d'anticiper parce qu'on peut finalement avoir des vagues extrêmement hautes et extrêmement déferlantes. Donc, même sur un gros navire, on peut être temporairement un peu en difficulté. Donc, il y a quand même une limite. Il y a quand même éventuellement, oui, à un moment, on peut se dire, là, la vague, elle est trop grosse. Mais elle est trop grosse par rapport à quoi, quoi. Et après, bah, ça, c'est infime, hein, le nombre de fois où ça arrive. Heureusement, moi, en pratiquement 55 ans de carrière maritime, ça a dû m'arriver une fois, quoi. Donc, voilà, c'est quand même assez rare. Inch'Allah, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. De toute façon, on ne peut rien, en général. Donc, bah, le bateau, il part. Alors, s'il part en travers, bah, c'est pas bien. Et s'il part tout droit, ça va, on se récupère. Bon, mais là, en général, on n'y peut plus grand-chose. Alors, les vagues du Grand Sud, elles sont pas tellement différentes des vagues de l'Atlantique? Non, elles sont pas très différentes. La seule chose qui change, c'est que comme quand on est donc au-delà du Cap de Bonne-Espérance, on a quand même une houle qui n'est pas arrêtée par une côte, enfin à part le Cap Horn. Donc on a des trains de houle qui se propagent pendant très longtemps. Donc on a des houles qui sont très longues et souvent assez hautes. Mais une houle longue et haute, c'est pas du tout un problème. On monte et on descend comme dans un ascenseur et il n'y a pas de souci. Là où ça se complique, c'est quand il y a des vents qui viennent se surajouter à ça, et que ces vents sont forts, et que donc ils vont faire en sorte que les molécules d'eau vont se former en vagues, et puis qu'à un moment donné, cette vague va devenir tellement haute qu'elle va se briser comme sur une plage, qu'elle va déferler. Et ce déferlement fait qu'au lieu que la particule d'eau dans la vague ait une orbite circulaire et qu'elle revienne à sa place, à partir du moment où elle déferle, elle est projetée vers l'avant. Donc c'est une masse qui se projette vers l'avant. Si c'est une particule d'eau, c'est pas grave. Quand c'est 200 tonnes d'eau, c'est plus embêtant. Et donc, au fond, pour les marins, la seule chose qui est dangereuse, c'est les vagues qui déferlent. Le reste, c'est pas du tout un problème. Et on l'a bien vu, par exemple, au moment des tsunamis, les gens qui étaient au large, ils se sont même pas rendu compte qu'il y avait un tsunami. Il y a une vague qui faisait peut-être 150 mètres de haut, mais ils ne l'ont pas vue. Puisqu'ils sont montés tout doucement, ils sont redescendus tout doucement, tout allait bien. Et quand ils sont arrivés à terre, ils ont vu que là, la vague allait déferler, ça avait été le cauchemar. On va aller voir les capteurs. Allez. Quelle ambiance, hein. C'est la nuit comme ça, quand il y a du vent, qu'on a les vagues, ça c'est agréable. Enfin, c'est plaisant. C'est plaisant. Il y a une petite mousse là, on ne sait pas du tout d'où elle vient. Alors cette petite mousse, en fait, c'est quand les vagues, notamment quand le système sature énormément, c'est pas rare lorsque les ondes longues elles montent et après qu'elles redescendent, qu'on a cette mousse qui reste. Voilà, donc c'est assez fréquent. C'est simplement lié au fait aux vagues. On est déjà sur les capteurs, hein, je suis perdue. Pas encore, non. Là, on a encore à peu près 100 mètres à faire pour les atteindre. On a encore 100 mètres à faire. Comment vous vous repérez là, hein? Là, on se repère en fait par rapport au poste de secours, parce parce qu'on a déployé une de nos lignes juste en face du poste de secours. Donc ça nous permet à peu près de voir où est-ce qu'on pourrait être. Et puis après avec les lampes, là tu vois là-bas au loin, tu vois une des bouées jaunes qui signale la présence d'un des capteurs. Et donc après, je sais que les capteurs, ils sont suivant une ligne, ce qu'on appelle cross-shore, c'est-à-dire perpendiculaire à la côte. Et donc à partir de là, une fois que j'ai trouvé un capteur, je sais que les autres ne sont pas très très loin. Donc voilà le profileur de courant qu'on voit, qui est posé, comme posé sur le sable, parce qu'effectivement la structure, elle a été complètement enfouie une nouvelle fois. Et voilà, tant qu'il n'y a pas de sable sur les émetteurs, l'instrument, il peut fonctionner parfaitement. Donc là, la mesure, elle est tout à fait exploitable, mais il faut juste qu'on ressorte la structure, parce que là, on sait qu'avec le coup de mer qu'on va avoir cette nuit, le risque, c'est que l'instrument vraiment soit enfoui sous le sable. Et une fois qu'il est enfoui sous le sable, là, on a plus de mesures qui sont exploitables. Et j'ai vu tout à l'heure Mélanie, il m'a semblé la voir. En fait, ça n'y paraît pas, mais de faire un lever topographique comme Mélanie fait de nuit, il faut être hyper concentré pour prendre ses repères et essayer de faire des lignes aussi perpendiculaires qu'on peut sans avoir aucun réel repère, en fait. On l'a passé. Tout à l'heure, on avait un vent qui était un petit peu de sud, qui était chaud. Et là, il y a le front vraiment de dépression qui arrive. Donc le vent est passé nord-ouest. Ça se rafraîchit brutalement. Et en plus, on a la pluie. On avance dos au vent, là. Oui, on avance dos au vent parce que pour se protéger. Et dans certains cas, il y a tellement de vent et le sable est tellement balayé en l'air qu'on est obligé de mettre des masques pour se protéger. Sinon, ça fouette le visage. C'est extrêmement douloureux. Là, je vais voir si Mélanie elle a besoin de quelque chose ou pas. Là, elle est arrivée à l'eau, elle est dans l'eau là. Allez voir. Waouh. Elle est au pas de course. Ouais. C'est arrivé très brutalement. Et en fait, c'est caractéristique de ces petites tempêtes qui par moments se lève très très brutalement, alors que voilà. Cet après-midi il faisait encore super beau. Ah bon, ça va Mélanie? Ravi. Le vent de face avec la pluie, c'est génial. On change des conditions de tempête, on se les attrape. Hein. De plus en plus par palier là. Ouais. De toute façon, ils ont annoncé que ça allait monter, qu'on allait avoir des rafales à 110 km/h. Le département a été placé justement en vigilance jaune par rapport justement peut-être un risque de submersion, de vagues, vent important et à l'intérieur des terres d'inondation, parce qu'ils attendent aussi encore des précipitations importantes. Donc on est content dans le sens où c'est des conditions qu'on recherche pour nos mesures. Donc on va pas se plaindre. Voilà, on peut pas avoir des vagues énergétiques et du beau temps. Plus parce que j'ai le vent qui fouette dans la capuche. Jusqu'au moment où quand même on se réfugie dans le bateau. Oui, il y a un moment où ça devient dangereux d'être dehors. De toute façon, on n'a plus rien à faire puisqu'on n'a plus de voile. On n'a plus que le mât, mais la pression du vent sur les mâts, ça fait quand même avancer vite quand il y a beaucoup de vent. Donc on n'a rien à faire dehors que se mouiller ou risquer de passer par-dessus bord. Que même quand le vent est extrêmement fort, on a même du mal à respirer. Il faut tourner le dos au vent pour arriver à respirer. Donc oui, il y a un moment où ça ne sert plus à rien d'être dehors, quoi. Donc on est à l'intérieur. Et on attend. Ben oui, c'est comme ça. Ouais, mais naviguer, c'est savoir attendre. Hein. C'est pareil, quand il n'y a pas de vent, on attend qu'il y en ait. Quand même, quand il y a très gros mauvais temps avec des vagues très déferlantes, on est quand même plus tendu que quand c'est le calme plat. Calme plat, bon, à part en course où on s'énerve un peu parce qu'on n'avance pas et qu'on a toujours peur que les autres avancent plus vite, mais calme plat, on peut faire la cuisine, on peut pêcher, on peut bouquiner, on peut écouter de la musique. Et là, on n'est rien. On est au milieu d'un truc qui bouge pas. Et on va pas bouger pendant 2 heures, ou pendant 6 heures, ou pendant toute la journée, ou pendant 3 jours. Et moi, ça m'est effectivement arrivé de rester 2 jours au même endroit. Bah, voilà, au même endroit, on vit, on fait ses trucs, tout va bien. On entend les vagues, hein. Jusque-là, on est dans la maison. On entend les vagues et le vent, on est juste derrière la dune, donc on est très très proche du terrain et on se laisse bercer assez facilement par ce vent et par les vagues. Alors que là, on est vraiment protégé, quoi. Alors que là, en théorie, on est vraiment protégé, on est derrière la dune, donc on est vraiment protégé par la dune, protégé du vent, et pourtant on entend quand même ce vent qui souffle et les vagues qui déferlent. Vous avez fait ça pendant 3 ans, exactement la même plage, exactement le même trajet, exactement le même repas. Ouais, exactement. Pendant 3 ans, j'ai réalisé le même genre de lever, les mêmes repères, les mêmes endroits. En 3 ans, j'ai vu une plage qui a perdu plus d'un mètre d'altitude, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Et généralement, c'est cycle naturel, la plage perd en hiver, se reconstruit en été, perd en hiver, se reconstruit en été. Et moi, pendant ces 3 ans, j'ai vu une plage qui a perdu en hiver, qui s'est bien reconstruite le deuxième été, qui a perdu encore plus l'hiver suivant, qui s'est mal reconstruite, qui a perdu, qui s'est mal reconstruite et qui n'a fait que perdre au final quand on regarde dans l'ensemble. J'ai vu de la dune s'éroder, j'ai vu la plage changer, j'ai vu les baïnes bouger. Ouais, elle change très très rapidement. Et même vous parlez de résilience, quel drôle de mot. La résilience de la plage, la mémoire de la plage, on dit aussi. C'est cette capacité qu'a le système à, en quelque sorte, s'adapter aux conditions. Donc, en général, on aime bien aussi mesurer au début de l'hiver, faire beaucoup de mesures en début d'hiver, parce qu'on sait que la plage, à la sortie de l'été, elle a une certaine configuration. On dit qu'elle a son profil estival. Et lorsque les premières tempêtes ou les premières grosses conditions viennent impacter la plage, elle change, elle s'adapte. C'est le moment où la plage, elle n'a pas eu le temps de comprendre que la saison allait changer. Donc les premières vagues, les premières tempêtes vont venir vraiment créer un gros changement. Et puis ensuite, la plage, petit à petit, elle va adapter son profil en fonction des conditions. J'ai plus de vagues, plus de conditions énergétiques. Et ben, je vais adapter mon profil de façon à ce que les vagues déferlent plus longtemps sur la plage et qu'à la fin, il y ait moins d'énergie. Et cette mémoire de plage et cette résilience, c'est vraiment cette capacité du système à s'adapter à son environnement et à être complètement en adéquation avec l'environnement. Moi, j'ai l'impression que les moments de confrontation, c'est vraiment quand il y a quelque chose qu'on a besoin de régler, quelque chose qu'on a besoin de mettre au point, quelque chose qu'on a besoin de contractualiser avec soi-même ou avec le réel, avec son histoire. Et du coup, cette puissance-là, elle laisse pas trop le choix. Soit tu fais ce trajet personnel pour te resituer, soit en fait, tu vas avoir un peu mal. En tout cas, ça va te renvoyer un effort qui sera toujours plus fort que toi. Donc autant t'accorder. Autant te donner cette chance de t'accorder. Mais t'es pas toujours d'accord. Des fois, t'es carrément d'accord. Des fois... Moi, la sensation la plus nette quand je suis d'accord, c'est que j'ai pas choisi, c'est que la vague m'a choisi. C'est-à-dire quand je me mets à ramer et j'ai pas l'impression d'avoir senti le moment où j'ai décidé. C'est-à-dire en fait, j'hallucine un peu de ce que je suis en train de faire. C'est presque un état de sidération, mais qui va pas dans le sens d'une inertie ou d'un arrêt en fait des fonctions, d'un arrêt des fonctions vitales. Je sais pas, ou des fonctions musculaires. Au contraire, en fait, c'est une sidération qui t'emmène. Où tu t'embarques toi-même, en fait, dans la situation. Donc, en fait, plusieurs fois, je me suis retrouvée en train de ramer, d'avoir peur, enfin, parce qu'en fait, je me dis, mais c'est trop gros. Et en même temps, avoir la banane, enfin, le sourire intégral, en fait, j'étais en train de ramer, et vaille que vaille, je ne me suis pas rendu compte de quand j'ai pris la décision. Et je me dis, mais en fait, je prends la décision à chaque seconde et je ne suis pas en train de me rendre compte que je suis en train de la prendre. Quand je nageais, j'avais vraiment des pensées qui avaient à voir avec la descente à l'intérieur du ventre de la mer, de l'aspiration, de relations, enfin, mort-vie, vie-mort, qui était très présente dans le sens, quand tu es submergé, il y a quelque chose de toi qui meurt, quand tu es émergé, quand tu es soulevé par une vague, il y a quelque chose de toi qui est propulsé. Et en surfant, ça a vraiment changé encore, enfin, la relation à l'océan, et c'était des nouvelles pensées qui arrivaient. En général, c'est vraiment le moment où le corps entre en mode automatique et intuitif, c'est vraiment le moment où la pensée s'ouvre. C'est comme si ça élargissait, en fait, ça élargit vraiment le champ de conscience, mais ça élargit aussi vraiment la pensée. C'est très incluant pour tout. C'est très incluant pour soi-même, dans le monde, et puis de tous les aspects du monde. Donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que c'est la vague qui m'a choisie. Donc c'est elle me soulève. Elle m'embarque. Elle me roule dessus. Ça fait ce que ça peut, en fait, pour être au rendez-vous. Ça fait ce que ça peut physiquement et ça ne décide pas. C'est à la fois une confrontation, à la fois un désir de baigner dans la puissance. Et puis il y a vraiment cet abandon, ce fait de céder en fait à ce qui est, enfin de céder à ce qui est. C'est de rendre les armes aussi, c'est de rendre les armes en se disant qu'en fait, c'est la puissance qui va nous décoller, qui va nous prendre si on se laisse traverser. C'est vraiment le moment où on sent sa propre puissance. C'est vraiment le moment où ces puissances-là, elles rentrent en dialogue, elles rentrent en écho. Elles se parlent, elles deviennent sœurs. La puissance des vagues. Un documentaire d'Aline Benito et Gilles Mardi-Rossian. Avec Véronique Mathuzzi, Laurie Pelchier-Piment, Nadia Sénéchal, Isabelle Autissier et Mélanie Biosque. Prise de son, Martin Traudac. Chant, Émilie Lechner et Antoine Ajorge. Mixage confiné, Régis Nicolas. Remerciements au Laboratoire Époque, Facts Arts Sciences de l'Université de Bordeaux, Lauriane Aubé, la Compagnie Nuit et l'Estran. Navigatrice, marin, pêcheuse, nageur et surfeuse, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en regardant les vagues, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.